des arts, des armes et des lois. Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or comme un agneau qui sa nourrice appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois, que ne me réponds-tu maintenant, ô cruel France? France, réponds à ma triste querelle. Mais nul sinon écho ne répond à ma voix. Entre les loups cruels, j'erre parmi la plaine. Je sens venir l'hiver de qui la froide haleine d'une tremblante horreur fait hérisser ma peau. Oh France, France, réponds à ma triste querelle. Mais nul sinon écho ne répond à ma voix. Agneaux n'ont faute de pâture, ils ne craignent le loup, le vent ni la foi dure. Si ne suis-je pourtant le pire du troupeau?